Le début de l'enregistrement est là. Il est arrivé. Et l'heure est là d'être là. De la lassitude. Il est donc l'heure d'être. Vous êtes là? Vous n'êtes plus là. Vous êtes là? Vous n'êtes plus là. Finalement, êtes-vous là? De la lassitude, j'entends. L'êtes-vous vraiment? Je m'en gratte le moignon. Je me bourre d'oignons en rêvassant. En rêvassant à l'ampleur du dégât causé par les gars armés, par nos gars dirigeants et dirigeantes. Vous êtes de ceux qui décroissent vers l'avant. En tombant, nez à terre, avec l'atrocité de vos demeures tergiversantes. Nos tribulations sont dues à cette classe d'êtres qui nous marchent dessus et qui nous font paître. Berk. Plage ou pas plage, en vacances ou pas en vacances. Non mais, est-ce là la vie donnée? L'ami donné? Blancheur, opaque, non transparente, d'une possibilité? Toujours ainsi. Toujours inciter, l'inseul de ma stupidité. De nos stupidités, je ne serai pas seul à porter le blâme. Vous allez être de ceux qui entendent la voix libre. Comme un oiseau, un moignon de bec dans la main, cuit l'oiseau, je l'ai cuit dans une marmite de plomb, il est bon cet oiseau-là, un pigeon, vous nous prenez donc pour des imbéciles et vous nous laissez malheureux tels des boulets de canon. Sommes-nous déboulés? Ou avons-nous déboulé? Ou avons-nous déboulé? Et d'autres. Sphérique attention. Sphère de l'azur. Le bleu azur. Ce bleu si gris. Qui me rend aigri. Moi, ce que je voudrais, c'est un compagnon de voyage. Vivement l'été qu'on dit, l'été d'oreiller que je dis. Vivement les taches dorées sur un drap empoisonné d'arsenic. C'est C'est pas scénique, nuisance. C'est juste émancipatoire. Déboire. Et d'autres. Toujours là-bas, toujours ici, toujours présente. La mort. Délivrance de la vie. Absurdité de la vie. La mort. Face à elle, rien ne vaut. Plus qu'elle. Délivrance de l'absurdité de la vie, la mort. Je le dis. Et belle. Belle comme la nuit. Obscur. Vigilantisme, s'il en est. Je ne pourrais placer cette expression autrement qu'avec un peu de vigilance. Pourtant, autant donné, étant donné les actions activées par l'obnubilance de l'acte. L'acte, un acte lacté, comme douceur suavité. T'es désireux de savoir quoi maintenant, t'es désireuse de savoir quoi, de savoir abandonner, de savoir s'abandonner, de savoir vouloir, de pouvoir savoir vouloir. Mais non, tu ne sauras donc que je sais moi, car tu n'es pas moi. Non, tu n'es pas moi. Tu es né toi, et tu le resteras à jamais, espèce de sale rat puant. Je te hais, je vous hais tous. Je vous hais comme je hais ma mère, cette merde, partout autour de moi, qui m'empoisonne la vie. Je ne veux pas d'empoisonnement. Je veux une vivide attention donnée à l'instant T, donnée, étant donné le temps passé, à demeurer, je suis un demeuré, et demeurant, je le resterai ainsi, parents, zoupa, égalité, des champs soupa. J'en ai rien à foutre. Dirigeantes et dirigeants, vous êtes de celles et de ceux qui puent. Vous êtes puants. Dirigez-vous vous-même, entre vous. Occupez-vous de vous-même, entre vous. Nous, on veut pas que vous vous occupiez de nos problèmes. Occupez-vous de vos problèmes. Et votre problème, c'est la bêtise. C'est l'avidité et la stupide connerie à chier. Voilà, c'est dit. Et ça ne restera jamais dit. Ce n'est pas écrit. C'est la loi orale, pas la loi écrite. La loi écrite, on l'encule, n'est-ce pas ? Parce qu'elle nous fait yesh. Je ne le dirai pas assez. Nous sommes de ceux qui tribulent, du verbe tribuler, ou qui tribulationnent, du verbe tribulationner, ou je dirais même, c'est la galère. Pourtant, à cet instant T donné, tout allait bien. Que s'est-il passé ? Il n'y a rien de temps donné, étant donné la chance offerte à nous de refaire un passé sanglant, flamboyant même de héroïque fantaisie. C'est beau, les héros. Mais moi, j'en veux pas. Niet. J'en veux que de vos héros. Moi, ce que je veux, c'est le chaos absolu, celui qui régnait au départ de l'être, à la naissance même de l'objet que je suis, un objet animé. Par moi, pas par vous. C'est pour ça que je vous hais, tous, autant que vous êtes. Vous êtes de ceux et de celles qui me font yesh, vœux gras, comme vos gras, comme vos dorés, un taureau ailé et d'autres zobes empâtés. Non pas vous, mais ceux-là là-bas, c'est bien ceux-là que je veux avoir. Non pas vous, mais celle-ci et celle-là et ceux-là et ceux-ci, tous les autres, ce sont les autres, les bâtards. Tous. Autant qu'ils sont. On va tous crever. On va tous crever de dorures morues, salées, émancipatoires vérités. Toujours tergiversation de l'absurde. Toujours incohérence de l'intransigeance. Toujours traversée de l'opiniâtreté. Toujours, toujours, jamais de toujours. C'est ça que je dis, pas de toujours, on verra bien. Sinon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on galère pour savoir quelque chose qu'on saura jamais parce que c'est pas encore arrivé? Non mais, qu'est-ce que tu penses, mec? Qu'est-ce que tu penses, meuf? Qu'est-ce que vous pensez, les gars? Qu'est-ce que vous pensez, les filles? Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Vous pensez au moins un peu de de temps en temps, moi je ne pense pas. J'hallucine. Et toujours avec moi, l'invité surprise, l'invité secret, que vous n'aurez pas l'occasion d'entendre. Sauf s'il le désire. Et s'il le désire, il n'a qu'à enlever son gros cul de son putain de banc de merde et de venir dire bonjour à l'Occident ou à l'Orient, internetisé ou même à la toulousité bien effrénée de nos hertziennes ondes sur le territoire bombé en forme de caduc, eunuque. autour des cris. La mouette déchaînée a pourtant traversé l'azur bleuté. Que c'est beau. Eh ben, ça n'a rien à faire dans Nuisance. Ça n'a rien à faire là. Nuisance, c'est pour nuire au sens. C'est pas pour faire plaisir. Nuisance, c'est pour nuire. Que dis-je ? Nuire à moi-même. Ainsi, nuisez-vous à vous-même. Quelle idée de génie. Mon Dieu, quelle idée. Voilà, on y est. C'est Nuisance. Toujours sur les ondes hertziennes, grâce à Canal Sud, 92.2 FM à Toulouse. Grâce également au net sur canalsud.net. Grâce à Lieusité, au 40 rue Alfred Duméril à Toulouse. France. Grâce à la France, oui, grâce à la France, car nous sommes en France. Si la France n'était pas là, nous ne serions pas là, n'est-ce pas ? C'est pour ça que je remercie vivement la France d'être là et de me faire là, là, là, là, là, là, là, je suis de la France, je suis là, de la France, là. Mais bon, en attendant, on y est bien, on a le choix et on reste. On se demande pourquoi. Parce qu'on a un bon système social. Parce qu'elle a une bonne sécu. C'est cucu comme raison. C'est bidon comme raisonnement. Je me mens à moi-même, n'est-ce pas ? Ou plutôt, c'est peut-être parce que j'ai encore des parents. Parce que je les avais avant, alors je les ai maintenant peut-être encore. Et c'est pour ça que je reste là, en France. Ou peut-être que c'est parce que j'ai mes amis, ou mon adresse, ou mon identité. Tout ça, quoi. Ces choses que finalement et définitivement on ne veut pas. De ceux qui croissent, n'est-ce pas ? Vous croissez vers le ciel, vous croissez tel des limaces, grimaces, amères, obscènes. leur mort, j'ai dit. Je voudrais leur mort. Je voudrais qu'ils meurent tous, autant qu'ils sont et toutes, autant qu'elles sont. Je voudrais qu'ils meurent et qu'elles meurent toutes et tous, et que je sois triste de leur mort. Je voudrais que tout le monde meure et que je sois triste jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, triste, triste d'être vivant. D'être vivant et seul, seul, toujours seul. Oui, non, je ne sais pas, je m'en fous, je m'en contrefiche. J'en ai rien à battre. Ainsi va la vie, qu'à la fin, elle se brille, le Forchnagi, Boudi, Boudi, Kadapel, Tinefakonu, Chika, Chika, Boum, Boum, Krada, Krada, Krada, Prout, Prout. Qu'est-ce que ça veut dire, Prout, hein? En guatémalien, rien. Ça veut rien dire. Avant d'être un démon. Ah, démon. Démon de mes azures. De mes lasures même. Que je ne suis pas ce que je dis. Je mens à moi-même. En étant fier d'être bête et méchant que... Tchit-tchit. laisse un tipi tout seul. Je me déteste. Je vais bientôt mourir. Comment ça? Tant mieux. Explique-moi. Comme ça. Mourir quoi? Mourir de honte. Pourquoi? Parce que mourir de honte, c'est bon. C'est bon pour la bite. Ça tend la bite. La honte ne tue pas. Satan. Mourir. Je suis venu te chercher. Pour mourir en paix, brute. Hélas, non. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. C'est ce que tu crois. Je ne vais jamais mourir. Je ne mourrai jamais. Je suis derrière toi. C'est bon. Vas-y. Je suis derrière toi. Je suis derrière toi. Prends garde. Fais garde. Chérie. C'est nuisance. Nuisance. Nuisance. Nuisance. Ah. Pourquoi es-tu là ce soir? Pour mourir en paix, Prout. En paix de quoi? En paix de Prout. Mais où es-tu? Je suis là, tout près de toi. Retourne-toi. Et j'arrive. Thank you. Prout. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit. J'ai dit Prout. Et je m'en excuse. Plus jamais je ne dirai Prout. Je ne dirai plus jamais Prout. C'est fini ce temps où je disais Prout. Fini. Plus jamais le Prout. Plus jamais le Prout. Plus jamais le Prout. Plus jamais. Plus jamais je ne dirai que Prout. Plus jamais je ne dirai que Prout. Dites-le avec moi, plus jamais je ne dirai que Prout. Plus jamais je ne dirai que Prout. Plus jamais cacaprout. Nous, ce qu'on veut pas, c'est du cacaprout. Nous, ce qu'on veut, c'est du pipi. Nous, ce qu'on veut, c'est du zizi dans le cucu. Nous, on veut pas du cacaprout. Nous, ce qu'on veut, c'est autre chose que du cacaprout. Oui, autre chose que du cacaprout, du non cacaprout. Nous, ce qu'on veut, c'est du non cacaprout. Nous, ce qu'on veut, c'est du cacaprout. Non, non. Ce qu'on veut pas, c'est du cacaprout. C'est du cacaprout. Ce qu'on veut pas, non. Ce qu'on veut pas, c'est du cacaprout. Non. Non, ce qu'on veut pas, c'est pas du cacaprout, c'est du pipi caca, on veut, c'est du zizi, c'est du cucu, c'est du pampan, c'est du tout ce que tu veux, mais pas du cacaprout. Non, pas du cacaprout ce soir. you're already gone? Are you already stupidly gone, you stupid motherfuckers? Are you there? Are you here? Are you anywhere? I don't care. I'm not a stupid motherfucker. I'm the best. I'm the best in the fucking world. I love you all. You're so shitty. I'm better than you. Oh yeah. Oh yeah. This is good for me. This I love. This I love being good for me. I love being good for me. And for you too, you stupid motherfuckers. I love myself and that's all. I don't love you. I hate you. You stupid motherfuckers. I hate you all. I really, really, really, really, really want to kill you. You know that. I want to kill you and eat your brains out of your fucking skull, you stupid dumb shits. Now, listen to this. Listen to this. Can you hear this? This is you rummaging in the stupid trash cans. You so dumb and so decrepit and so fucked up. All of you. I hate you all and all you poor people. Poor people with no money and eating shit. You know well. I hate you too. Yeah. Yeah, I hate you too, you stupid dumb shits. You stupid dumb shits motherfucking asses. I hate you too. And I hate all the motherfuckers who stink and breathe and fucking puke everywhere. Their fucking guts. All those stupid dumb shits. And I also hate all you stupid bitches and bitch-ass fuckfaces with those stupid names and stupid hair and stupid whatever. I don't give a shit. Whatever it is, it's stupid. And I hate you all. And that's what it's about. Now, if you don't understand, you better go somewhere. You know, like somebody's gonna kill you or something. Because now it's where it is, now it's where it's going, now it's where it's at, now it's where it's always been. I can't even breathe my fucking head out. I'm gonna explode, I'm gonna die, I'm gonna, yeah, oh, that's cool, yeah, it's cool, man. Dudettes and every dumb shit motherfuckers I hate, well, yeah, that's cool, I'm gonna die, yeah, yeah, I love it. Thank you very much. Explication. L'évacuation est faite par un tant soit peu de relents de nauséabonde aventure, et pourtant toujours muribonde, la foribonde, morte attention, dilate la dorure de l'anneau qui, entre là, de possibilité ne clippe pas, mais pourtant est crêté comme une écrêtée des mesures. Je suis stéréo ou mono, mais le treble n'en a pas de basse, c'est-à-dire que le haut ne va pas vers le bas, ni le bas vers le haut, car rien n'est entre deux. Oui, entre le haut et le bas, s'entend. Alors, que faire? Toujours étudier la possibilité de la croissance vers un autrui, un autre, que soi. Toujours un autre que soi, car c'est là que l'on veut être. On veut être dans la passion, on veut être dans l'allure, on veut être dans toujours ce bleuté azur, mais l'on ne perçoit pas les tergiversations obscènes. On ne voit que les tribulatoires incantations, les jaculatoires oraisons d'un futur proche et proximitivement primitif. Ou primé, plutôt primé d'ailleurs aux Oscars, comme les Goya n'en ont pas, les Césars non plus, les Oscars je veux dire. Alors que Oscar le poisson est un dangereux lion. Pourtant, tu n'as pas vu, non, tu n'as pas vu le début, tu ne comprendras donc pas. So I'm tender with you now. I'm going soft on you all. I don't want to hurt you. I don't want to kill you all. I don't want to kill you all. I just want to be with you. But you don't want to be with me. I don't understand. Okay? So now, whatever world we're in, whatever it is, I still don't give a shit. Thank you. Ça me détruit les organes internes, ce traitement de fou. Ça me fond les organes internes, ce traitement. Ce traitement me fond les organes internes. Suffit. Je ne comprends plus rien à la vie, je ne comprends plus rien à la mort, je ne comprends plus rien à rien, je ne comprends rien. Thank you. Suis-je là, je ne sais pas. Est-ce que je suis là? Ou bien Salvatore? Le roi des cons est là. Je brousse. Mais suis-je là vraiment? N'est-ce pas une hallucination? Une hallucination. Es-tu là? Es-tu là? Es-tu là ce soir? Non. Non, comment ça? Pourquoi être là? Je suis ta pire hallucination ce soir. Je suis la nuit des mystères. Ratiocination. Arrestation. Arrestation. Parlons-en. Parlons de quoi ce soir? D'arrestation. Partout. Partout. Justice. Justice sera nulle. Faite. Justice nulle part. Je suis ta pire hallucination. Partout la justice nulle. Partout l'arrestation. L'arrestation de sujets. Sujet introverti, hallucination aux accès de folie, hallucinogène, telle est la vie, halogène, lampe qui pourrit, ampoule de merde qui éclaire, qui pollue la merde. Ah, ça c'est clair, ça pollue, ça éclaire la merde, la lumière. Le désir, la tergiversation, le problème, le blême, livide, blafard, connerie, merde, qu'ai-je dit, c'est fini. Triste langueur. Langueur. Longueur. Longueur. Lentement, je m'approche, je raccroche, c'est fini, trois quarts d'heure encore, à supporter. À supporter. À supporter. À mal aimer. Ce mal aimé. Ah, cet invité est mal aimé. Vous entendez? Alors aimez-le un peu. Appelez. Vous pouvez toujours essayer d'appeler, hein. Le mal aimé enfoiré. Vous pouvez appeler, si vous le souhaitez, au 05 61 53 36 95. Le mal-aimé, l'enfoiré, l'embuté, on va le buter, l'entêté, l'enculé, on va le massacrer, l'empâté, ah ils étaient bons, l'emboîté, l'empoté, on va l'emboîter, l'empoter, on va s'emboîter dans l'empoté, il est 10h, on n'est plus censuré. Il est 10h15, j'avais oublié, on peut dire merde, cul, bite, chat. Et caca prout. Restons polis. Souhaite. Restons polis, mais polissons. Quoique. Police. Arrestation. Son. Paille. À son. À l'entrée. Mais faites gaffe. Car le paillasson est toujours dehors. Il a froid, le paillasson. Il a froid, le keuf paillasson. Le flic qui tape sa paille et son son. Son. Sentiment. Sentiment de mal-aimé. Le pauvre petit keuf qui se sent mal-aimé. Pourtant, il fait résider la loi et la justice partout sur Terre. On l'a pas forcé à signer. Il a toujours le choix, il peut partir. C'est vrai, ça. Délivrance et la fin de sa carrière. Son de cloche. Es-tu là, animateur? Anime-toi-même. Animer quoi? Gentil animateur, gentil organisateur, le gentil animateur. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Qu'est-ce qu'on va faire de cette horreur? Animateur, clameur, la clameur. Où est-elle le soir? Dans le stade de foot? Au milieu du footballeur? Milieu de quoi? Milieu de la nuit? De l'entre-deux. Non, milieu d'autrui. Milieu d'autrui, c'est le trou noir. La carotte et le bâton. Père Fouettard. Nous une vitre. Mais je te vois. Tu ne me vois pas. Je suis à la radio. Ce n'est pas radiophonique de se voir. Ce n'est pas possible de se voir à la radio. L'on ne peut se voir à la radio. On peut s'entendre. Bah oui. C'est justement ça que je disais. On ne peut pas se voir à la radio. On est invisible. Invisible ouais. Radio. Hélas. Mais qui me parle à cette heure-ci? Qui nous entend? Personne. Là-bas, au loin, personne. Sûrement personne. N'est-ce pas? Vous n'êtes personne. Vous, personne. Là-bas. Mon nom est personne. Mon nom est personne. Personnalité. My name désagrégé. Is nobody. My name is nobody. My name is nobody. My name is nobody. Baby boom, boom boom boom. Bam. Snap, crackle, hip hop, funky, la funky beat. Reste poli. Funky, funky. Merde, reste poli. Fais chier, bordel. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Maintenant que tu l'as dit, on ne peut plus remettre en arrière. Il faut tous les dire, ces gros mots. Tous. Putain, chiotte. Il faut chercher et rechercher encore des gros mots. Plutôt que des beaux mots. Des gros mots. Des grumeaux dans ta salade verte. De la fourmi. S'il y en a qui mange, tu y penses. À la tétée. Le chloroforme. Le gastropode. Vient de la fourmi. Comme le chlore vient de l'eau de Javel. Imagine un escargot. Au four. Micro. Micro. Micro. Je le fais cuire. Bam! nuisance. Nuisance. En l'occurrence. Et nous sommes toujours sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Et c'est toujours Nuisance avec l'invité secret et l'animateur, le gentil animateur que je suis. Si gentil que ça, montre-le-nous. Montre-le-nous. Je vous baise tous, parce que vous le méritez tous. Tout le monde mérite d'être baisé un jour. Tout le monde le mérite. Tout le monde le mérite. L'amour. L'amour. Attends le moment propice. C'est dans le son. C'est dans le son que l'on revient toujours à l'horizon. Tal. Je cale. Je pète. Je proute. Je fais pipi caca sur moi. Parce que j'aime le pipi caca sur moi. J'aime quand ça sent l'ammoniaque. Et que je peux mettre ma base dedans. Et faire ma pipe avec ma base. Et ensuite, je suis trop heureux parce que j'ai une pipe avec la base dedans. Mais je la tape pas, je la regarde. Parce que c'est beau, une pipe avec la base dedans. Et de la cendre, plein de cendre, partout des cendres. Des cendres, toujours des cendres. Parce que je vais monter un peu. Je veux pas descendre, je veux monter. Et ben, tu descendras jusqu'au bout. Lève-toi. Tu descendras jusqu'au bout. Et tu te relèveras. Pas. Mais si tu te relèveras. Rat d'égout. Je suis un rat d'égout. Moi pourtant, puis du cul. Je ne suis pas un rat d'égout. Je dégoûte le rat. Même que je dégoûte les rats. Et je dégoûte les bêhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé C'est une étrange soirée. Ça, tu peux le dire. C'est une folle soirée. Parmi la nuit toulousaine, et qui nous écoute, qui nous entend. Que sais-je ? La musique pour voyage. Savoir, toujours savoir, et pourtant connaissance ne mène pas au yoga suprême. Le yoga suprême dépasse le jnana. Le jnana n'est qu'un raja de plus, le royal anthropique désespoir d'atteindre la cible extrême qui est justement le dernier instant ultime, ultime émancipatoire vérité. Arrête avec les gnagnas et finir par les avoir, les ragnagnas. Prends-les et bois-les, tes ragnagnas, t'as compris ? Tu comprends mieux maintenant ? C'est nuisance ou rien. Rien ne vaut une bonne nuisance. On a toujours le choix. Mais le choix de mourir quoi ? Ou pas ? On n'en est pas encore là. On en est toujours là. À chaque instant, on peut mourir. À chaque instant, on est là. On va mourir et on le sait. On le sait dès la naissance. On le sait tout le temps, on le sait à chaque instant, on le sait. On le sait, on va mourir. Et tant mieux. Et le moment présent. Et tant mieux. Joute verbale est là. Tant mieux. Affronte-nous dans nos joutes verbales. Tu me battles, moi. Moi, la pire des racailles. Et moi, que suis-je? Tu es la meilleure. Le meilleur ou la meilleure. Je suis la personne. Je ne suis qu'un homme parmi les hommes. Et un bordel effréné derrière nous, les hommes. Je suis peut-être une femme. Derrière le bordel effréné. Dans ces joutes verbales ancestrales. Et ces surcompositions. Il n'y a qu'une nuisance pour dire ça. Décomposition. Respirer, puis traverser l'ultime émancipatoire vérité. Vérité ou mensonge? Tes songes sont vérité à tes yeux. Mes yeux te foudroient du regard. Regard noir, plein de désespoir. Dans l'avenir noir, y a-t-il de l'espoir? Je te laisse méditer sur ces mots, hein, tout en haut, que t'entends pas. Sinon, lâche-toi, animateur. Animateur, le mateur de cul, le mateur de zizi, le mateur de minou. Reste c'est poli. Moi, c'est moi, je suis un mateur. Reste un poli. Amateur. Reste un almateur. Reste un poli. Amateur. Un armateur. Un mal. Américaine. Un mal autru. À l'américaine. Je suis de la merde et je le sais. Non, c'est les homards qui sont à l'américaine. Je suis de la merde et je le sais. Mais non, tu n'es pas de la merde. Je suis de la merde et je le sais. Je suis de la merde et je le sais. Pourquoi tu dis ça? Ne te rabaisse pas, animateur. Je suis de la merde et je le sais. C'est quoi, animateur? Du cul. À 11h, tu feras le Terminator. Je saigne du cul. Animateur. C'est horrible. Animateur. Horrible de saigner. Réponds-moi, animateur. Animateur. C'est horrible. Horrible. Animateur. C'est horrible, oui. À 11h, tu feras le Terminator. Le Animator est là. Je vais réanimatorer. I will la be séance. Back. I will be back. Vendredi prochain. I'll be back. Vendredi prochain. Je sais pas si je serai là dans les prochains finalement. Je sais pas, peut-être je serai déjà mort. Mort, vivant, mort, vivant. Ah. Désespoir et désespoir t'envahit. Inespoir, y'a pas d'espoir, y'a même pas de désespoir. Ce ne sont que des probabilités. Irrité. Ponctualité de l'instant où tu es arrivé. Toujours en vérité, l'instant est là. Là de t'entendre avec tous ces crachats. Pourtant, la voix est de mille feux un débat. Un débat qui a commencé tôt ce soir. Tôt sur Canal Sud de 92.2 FM ou Canal Sud.net ou même sur votre antenne. Blablabla bla, bla, et blablabla, blablabla bla, bla, et blablabla. Bla, bla. Toutes ces conneries sont là ce soir. Ouais. Au plus grand désespoir. L'invité mystère. Secret, secret et mystérieux. L'invité profile son nez et critique Al. Mais Al, là. Al, es-tu là? Al. Là es-tu, Al? Ou ce ne serait-ce pas Al, le multimystère? Ou sa conscience? Qui est-ce? Poteau télégraphique dans la conscience de Al. Et si je n'étais qu'un bruitage? Un enregistrement. Un bruit, partout du bruit, des bruits, du bruit, de la bruit, de la bruteuse, de la brutiste, de la brutiste, de la brute. Du bruit, du bruit. Hello. Hello. Je suis là. Je suis là. Es-tu là, Al? Al est là. Tu n'es plus là? Et toi, t'es où? Thank you. qu'est-ce que c'est que ce bordel? want to go there. Just don't want to know. Nouveau détective, détective azuré de bleu, tangentiel. Tangentiel, un nouveau mot, la tangentialité, la dangerosité de la respiration atrophiée permet la bleuté, azuretée sur le visageté de la jetée. Thank you. êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui va déborder parce que la musique n'est pas là. Il est en vacances. Ils sont en vacances. Alors puisqu'ils sont en vacances, on va déborder. On va déborder parce que Love Black Music n'est pas là. Ils ne sont pas là, alors on va déborder. On va déborder parce que c'est les vacances. Parce que c'est les vacances, je vais travailler plus. Parce que c'est les vacances, je vais faire plus que pendant pas les vacances. Parce que pendant pas les vacances, eh ben je fais moins. Je fais moins et là je vais faire plus parce que c'est pendant les vacances. Thank you. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui a débordé sur Love Black Music. Enfin, Love Black Music n'étant pas là, évidemment, on pouvait déborder. Donc en fait, techniquement, on n'a pas débordé sur Love Black Music, mais on a bien débordé sur le créneau de Love Black Music que vous retrouverez à la rentrée. Nuisance, pour rappel, est une émission qui nuit au sens. Il vous reste à peu près 5 minutes à subir de cette nuisance sonore et éminemment radiophonique. Et en amont de notre départ dans l'abîme obscur de la nuit, je vous convie à nous suivre vendredi prochain de 21h à 23h sur ces ondes. Au revoir. Thank you.